السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous avions commencé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de la traduction du livret écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen intitulé Risalatun fi sujud al-sahwi, traduite sous le titre Les prosternations de la distraction ou comment compenser une prière défectueuse. Nous avons commencé donc en lisant l'introduction ainsi que la définition de la prosternation de la distraction, les causes qui entraînent ces prosternations, qui sont au nombre de trois. On avait abordé le cas de l'ajout, Naam, c'est que le cas des retardataires. Également, on avait abordé la diminution dans la prière, le délaissement d'un pilier dans la prière, le délaissement d'une obligation dans la prière. Et aujourd'hui, donc, on va continuer, bi'idhnillahi ta'ala, en lisant tout ce qui a trait au doute. Et on terminera par un récapitulatif du sujet, insha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de récompenser le shir Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, ainsi que le frère qui, jazahullahu khayra, a traduit cet épître très bénéfique. Donc on continue avec le chapitre suivant sur le doute. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد. Le doute. Le doute, c'est l'hésitation entre deux situations. Et il est bien aussi de mentionner le nom de l'auteur et de profiter de l'occasion pour invoquer en sa faveur. De la même manière que bien souvent les auteurs ils invoquent en faveur du lecteur, il est bien et il est bon et recommandé d'invoquer également leur faveur en faisant mention afin de leur attribuer donc les propos qu'ils ont tenus et d'en profiter donc pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Rahimahumullah. Qala Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans la traduction de son épître, le doute. C'est l'hésitation entre deux situations, sans pouvoir déterminer laquelle s'est produite. Dans les adorations, le doute ne doit pas être pris en considération dans trois cas. Le premier, si c'est une fausse impression qui n'est pas fondée, comme les suggestions du diable. La deuxième, si la personne doute beaucoup, au point de ne plus pouvoir faire une adoration sans douter. La troisième, si le doute apparaît après l'accomplissement de l'adoration, tant qu'il n'y a pas de certitude. Naam. Donc ici, le shir, rahimahullahu ta'ala, il a abordé le cas du doute. Il a défini donc ce qui est voulu par le doute ici. Le doute, c'est l'hésitation entre deux situations, sans pouvoir déterminer laquelle s'est produite. C'est-à-dire sans pouvoir déterminer de manière sûre et certaine laquelle s'est produite. Ensuite, il a dit, dans les adorations, le doute ne doit pas être pris en considération dans trois cas. Le premier cas, si c'est une fausse impression qui n'est pas fondée, comme les suggestions du diable. Ici, donc, le serviteur, il se rend compte de cela lorsqu'il voit qu'il n'y a aucun fondement dans cela. Et il se rend compte qu'en vérité, ce n'est que suggestion du diable. Deuxième cas, dans lequel le doute ne doit pas être pris en considération, c'est si la personne doute beaucoup, au point de ne plus pouvoir faire une adoration sans douter. Et c'est le cas de ceux qui souffrent d'insufflation satanique. Ce qu'on appelle donc al-waswas. Et qui doutent à propos de chacun de leurs actes. Tu les trouves à douter dans leur purification. Et c'est ainsi que tu te rends compte qu'ils ont besoin peut-être de plusieurs minutes, voire d'un quart d'heure, voire d'une demi-heure, pour se purifier. Et qu'en plus de cela, ils en viennent parfois à recommencer leurs ablutions, étant donné qu'ils sont touchés par ces insufflations sataniques. Ensuite, durant la prière, ces insufflations ne les lâchent pas, à partir de ce qu'on appelle takbirat al-ihram, à partir du moment donc, que tu rentres dans la prière, pour dire Allahu Akbar, trouve que la personne, elle va faire peut-être à 5 reprises le geste, à chaque fois en ayant le doute, est-ce qu'elle l'a bien fait. Et ça va même donc jusqu'à des doutes dans la foi. La personne peut en arriver à penser, à cause de ses insufflations sataniques, qu'elle est sans cesse en train de sortir de l'islam. Et cette chose-là peut aller jusqu'au point que la personne délaisse totalement les œuvres. D'une part, parce qu'elle est fatiguée. Rendez-vous compte donc d'une personne qui, 5 fois par jour, passe 1 heure à se purifier. Et une fois qu'elle a terminé de se purifier, elle n'est pas encore sûre qu'elle l'a fait. Sa prière, peut-être qu'elle va mettre 5 fois plus de temps qu'une personne normale à l'effectuer. Donc d'une part, elle va très certainement se fatiguer et délaisser l'œuvre. Et d'autre part, il est possible qu'elle ait la conviction qu'elle est tombée dans l'hypocrisie, ce qui arrivait à certaines personnes qui étaient touchées par cela et qui pensaient que cela faisait partie du scrupule dans la religion que de s'assurer au début qu'elles se sont bien purifiées ou qu'elles ont bien prié. Elles pensent que c'est du scrupule. Et comme vous le savez, et comme on l'a répété à de nombreuses reprises, le diable, il ne se présente pas au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'égarement en lui montrant que c'est du faux. Mais il fait passer cet égarement-là sur quoi ? Sur le compte du vrai. Donc ces insufflations-là, il les présente au serviteur comme étant des scrupules. Et en vérité, petit à petit, il le fait tomber dans ce qui est de plus en plus grave, jusqu'à ce que la personne délaisse certaines œuvres et qu'elle se considère ainsi hypocrite et que tout cela l'amène au final à délaisser complètement les œuvres et à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était important donc de s'attarder quelque peu sur ce point-là. Ce qui nous importe ici donc, c'est de savoir que le doute ne doit pas être pris en considération dans 3 cas parmi ces cas-là, si la personne doute beaucoup au point de ne plus pouvoir faire une adoration sans douter. À ce moment-là, donc, elle ne va plus prêter attention à ces doutes-là. Et si le diable en vient à lui dire, mais, ou à lui insuffler qu'elle va prier, par exemple, sans ablution, ou qu'elle continue à prier alors qu'elle n'a pas fait correctement ce qu'on appelle takbirat al-ihram, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière, alors qu'elle réponde à ces insufflations-là en disant qu'effectivement, elle fait la prière sans être purifiée et qu'effectivement, elle n'a pas bien fait takbirat al-ihram, mais qu'elle continue quand même sa prière. Afin de mettre un terme à ces insufflations-là, étant donné que si la personne doute beaucoup, au point de ne plus pouvoir faire une adoration sans douter, alors ce type de doute-là ne doit pas être pris en considération. 3e cas que le cheikh a mentionné, si le doute apparaît après l'accomplissement de l'adoration, tant qu'il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire la personne, elle a terminé sa prière. Et elle commence à être saisie de doute. Na'am, est-ce qu'elle a bien fait ceci ou pas? Mais il n'y a aucune certitude dans cela. À partir du moment, et c'est là une règle, que le cheikh Mohammed Ibn Salah Al-Uthaymin mentionne à de nombreuses reprises, à partir du moment que sa prière est terminée, ou son adoration, de manière plus générale, est terminée, alors on ne doit pas prêter attention à ce doute-là, tant qu'il n'y a pas de certitude. Si par contre, bien sûr, il y a une certitude, alors là, c'est une autre histoire. Na'am. Exemple. Une personne effectue la prière de Zohr, puis, après avoir terminé sa prière, elle doute si elle a prié 3 ou bien 4 raka'at. À ce moment-là, elle ne doit pas tenir compte de ce doute, sauf si elle est certaine de n'avoir prié que 3 raka'at. Dans ce cas, si elle s'est rendue compte qu'elle n'a prié que 3 raka'at, au bout d'un court moment, elle doit compléter sa prière, prononcer la salutation finale, effectuer les prosternations de la distraction, puis saluer de nouveau. Par contre, si elle s'est rendue compte de son omission au bout d'un long moment, elle doit refaire entièrement sa prière. Le doute, hormis les 3 cas cités précédemment, doit être pris en compte. Pendant la prière, le doute répond toujours à un des deux cas, de figure suivants. Naam. Donc ici, le shir va continuer comme il le fait bien souvent et comme nous avons pu nous en rendre compte dans ce livret-là, par un exemple, afin d'illustrer donc ses propos. Naam. Et il a dit, une personne effectue la prière de dhuhr, puis après avoir terminé sa prière, elle doute si elle a prié 3 ou bien 4 raka'a. Donc après avoir terminé sa prière, à ce moment-là, elle ne doit pas tenir compte de ce doute, sauf si elle est certaine de n'avoir prié que 3 raka'a. Donc ça rejoint ce que le shir a dit, à savoir, le doute ne doit pas être pris en considération si le doute apparaît après l'accomplissement de l'adoration, tant qu'il n'y a pas de certitude. Dans ce cas, c'est-à-dire s'il y a certitude, si elle s'est rendue compte qu'elle n'a prié que 3 raka'a, au bout d'un court moment, et on avait déjà vu cette précision-là, au bout d'un court moment, et on avait dit que on pouvait distinguer le court moment du long moment à partir de l'usage, ce qui est communément reconnu comme étant un court moment est considéré comme tel, et ce qui est communément reconnu comme étant un long moment est considéré comme tel. Donc au bout d'un court moment, elle doit compléter sa prière, prononcer la salutation finale, effectuer les prosternations de la distraction, puis saluer de nouveau. Ça c'est le premier cas de figure. Par contre, si elle s'est rendue compte de son omission au bout d'un long moment, donc avec certitude bien sûr, puisque là donc on est dans ce cas de figure-là, elle doit refaire entièrement sa prière. Le shir de continue en disant, le doute, hormis les 3 cas cités précédemment, doit être pris en compte. Donc, on récapitule les 3 cas de figure. Si c'est une fausse impression qui n'est pas fondée, comme les suggestions du diable, alors là, le doute, il n'est pas pris en considération. Deuxièmement, si la personne doute beaucoup, au point de ne plus pouvoir faire une adoration sans douter. Troisièmement, si le doute apparaît après l'accomplissement de l'adoration, tant qu'il n'y a pas de certitude. Puis il a continué en disant, pendant la prière, le doute répond toujours à un des 2 cas de figure suivants. Et le moment où les prosternations doivent être effectuées variera selon ces cas, comme on va le voir. Selon le cas, le moment de la prosternation de distraction va différer. Soit ça va être avant les salutations finales, soit ça va être après, comme on va s'en rendre compte, et comme on pourra le revoir à la fin dans le récapitulatif, Incha'Allah Ta'ala. Le premier cas, la personne fait prévaloir une situation par rapport à une autre, et se base sur celle-ci pour terminer sa prière. Puis, elle salue, effectue les prosternations de la distraction, et salue de nouveau. Exemple, une personne accomplit la prière de Zohr, et doute sur une raka'a. Est-ce la seconde ou bien la troisième ? Mais ce qui prévaut dans son esprit, c'est que c'est la troisième. Dans ce cas, elle considère cette raka'a comme étant la troisième. Termine sa prière, salue, puis effectue les prosternations de la distraction et salue de nouveau. La preuve, le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres, selon lequel Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous hésite sur ce qu'il a accompli durant sa prière, qu'il s'efforce de rechercher le vrai et qu'il se base sur ce qui ne fait aucun doute pour lui pour terminer sa prière. Puis, qu'il salue et effectue 2 prosternations. » Ce sont les termes d'Al-Bukhari. Naam, donc ici le premier cas de figure. C'est-à-dire lorsque le doute survient pendant la prière. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque la personne elle fait prévaloir une situation par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'elle doute, mais quand même, elle penche plus vers une des 2 situations. Elle se basera donc sur celle-ci pour terminer sa prière. Elle doute, mais elle penche plus vers une des 2 situations. Alors elle va se baser sur cette situation vers laquelle elle penche, et elle va terminer sa prière en conséquence. Puis elle salue, effectue les prosternations de la distraction, et salue de nouveau. Donc on se rend compte ici que les prosternations de la distraction ont lieu après les salutations finales, étant donné que la personne, dans son doute, a fait prévaloir une situation par rapport à une autre. Et ensuite, donc, le shir, rahimahullah ta'ala, il a illustré cela par un exemple et il a appuyé cela par une preuve, à savoir le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres, selon lequel Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous hésite sur ce qu'il a accompli durant sa prière, qu'il s'efforce de rechercher le vrai. Donc ça c'est la première démarche, qu'il s'efforce de rechercher le vrai et qu'il se base sur ce qui ne fait aucun doute pour lui, pour terminer sa prière. C'est-à-dire que si jamais il arrive à faire prévaloir une des deux situations sur l'autre, alors il va se baser sur celle-ci et il va terminer sa prière en conséquence. Puis qu'il salue et effectue deux prosternations. Donc on se rend compte que les deux prosternations de distraction ici ont lieu avant ou après les salutations finales. Après, naam. Après les salutations finales, il va se prosterner, les prosternations de la distraction, et ensuite, il saluera à nouveau. Ce sont donc là les termes d'Al-Bukhari. Le second cas, aucune des deux situations ne prévaut dans l'esprit de la personne. Dans ce cas, elle doit se baser sur la certitude, qui est le plus petit nombre de rak'at. Elle termine sa prière, effectue les prosternations de la distraction, puis salue. Exemple, une personne accomplit la prière de l'Asr et doute sur une rak'a. Est-ce la seconde ou la troisième? Aucune des deux situations ne prévaut dans son esprit. Elle doit alors considérer que c'est la deuxième rak'a, effectuer le premier tashahhud, suivi de deux rak'at, effectuer les prosternations de la distraction, puis saluer. La preuve, le hadith rapporté par Muslim, selon lequel Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous doute durant sa prière et ne sait plus s'il a prié 3 ou bien 4 rak'at, qu'il élimine le doute et qu'il se base sur la certitude. Puis, qu'il effectue 2 prosternations avant de saluer. S'il a prié 5 rak'at, alors elles, les prosternations de distraction, compenseront l'ajout commis. Et s'il a prié 4 rak'at, elles seront une humiliation pour le diable. Na'am, donc ici le second cas. C'est-à-dire le second cas du doute qui survient durant la prière, pendant la prière. Le premier cas, donc, on a vu que c'est le cas de la personne qui fait prévaloir une situation par rapport à une autre. C'est-à-dire, elle arrive à distinguer et à faire prévaloir une des deux situations. Et dans son doute, elle arrive à faire prévaloir une des deux situations sur l'autre. Alors, elle va se baser sur celle qui prévaut selon elle, et à la fin, elle va se prosterner après les salutations de la après les salutations finales, excusez-moi. Le second cas, c'est lorsqu'aucune des deux situations ne prévaut dans l'esprit de la personne. Donc elle doute et elle n'arrive pas à faire prévaloir une des deux situations. Dans ce cas, elle doit se baser sur la certitude, comme l'a dit le shir, rahimahullah ta'ala. Tayyib, qu'est-ce que c'est que la certitude? Qu'est-ce qui est visé par la certitude? Le shir te répond en disant qui est le plus petit nombre de rak'a. Le plus petit nombre. Elle hésite. Est-ce qu'elle est dans sa troisième ou dans sa quatrième? Elle n'arrive pas à faire prévaloir une des deux situations sur l'autre. Elle va se baser sur la certitude qui est le plus petit nombre de rak'a. Elle termine sa prière, effectue les prosternations de la distraction, puis salue. Ce qui signifie que les prosternations de la distraction ici ont lieu avant ou après les salutations finales. Avant les salutations finales, comme on va le revoir, Incha'Allah ta'ala, dans le récapitulatif final, et comme nous le trouvons illustré par l'auteur, rahimahullah, dans l'exemple qu'il a cité. Et il a appuyé cela par la preuve, comme à son habitude, rahimahullah ta'ala, en disant la preuve, le hadith rapporté par Muslim, selon lequel Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous doute durant sa prière et ne sait plus s'il a prié 3 ou bien 4 rak'at, qu'il élimine le doute et qu'il se base sur la certitude. Donc là, c'est le cas de celui qui n'arrive pas à faire prévaloir une situation sur l'autre. Il élimine le doute et il se base sur la certitude. La certitude, c'est le minimum. Puis qu'il effectue 2 prosternations avant de saluer. S'il a prié 5 rak'at, c'est-à-dire si en vérité, dans le fait de s'être basé sur le minimum, eh bien, il s'est trompé. Et en réalité, il a prié 5 rak'a. Alors, les prosternations de la distraction compenseront l'ajout commis. Étant donné qu'il aura rajouté dans sa prière le fait qu'il se sera prosterné, prosternation de la distraction, ça viendra compenser l'ajout commis. Et si par contre il a réellement prié 4 raka'a et qu'il n'a donc rien ajouté, eh bien ces prosternations-là seront une humiliation pour le diable. Pourquoi c'est une humiliation pour le diable? C'est une humiliation pour le diable, étant donné que ce dernier réprouve le fait que le serviteur se prosterne devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, d'autant plus que ces prosternations-là sont légiférées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les exemples de doute, si une personne arrive et trouve l'imam en position d'inclinaison, elle doit prononcer le premier takbir, takbiratul ihram, en étant bien debout, puis s'incliner. Ensuite, se présente forcément un des trois cas suivants. Le premier, la personne est sûre de s'être inclinée avec l'imam avant qu'il ne se redresse. Elle comptabilise ainsi la raka'a et n'aura pas à lire la surat al-fatiha. Le deuxième, la personne est sûre de ne pas s'être inclinée avec l'imam. Dans ce cas, elle ne comptabilise pas cette raka'a. Et le troisième, la personne doute entre le fait qu'elle se soit inclinée avec l'imam et qu'elle puisse ainsi comptabiliser la raka'a et le fait que l'imam se soit relevé avant qu'elle ne s'incline et donc qu'elle ne puisse pas comptabiliser la raka'a. Si la personne tend vers une situation plus que l'autre, elle doit alors se baser dessus, terminer sa prière, saluer, effectuer les prosternations de la distraction et saluer de nouveau. Cependant, si elle n'a rien manqué de la prière, elle n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. Si elle ne tend pas vers une situation plus qu'une autre, elle doit se baser sur la certitude, c'est-à-dire que la raka'a n'est pas comptabilisée, terminer sa prière, accomplir les prosternations de la distraction avant les salutations, puis saluer. Na'am. Ici donc le shir, rahimahullah ta'ala, il aborde des exemples de doute. Et ce n'est pas anodin, il a abordé cette question-là du fait qu'elle se présente souvent. Et cela est une manifestation de son savoir, rahimahullah ta'ala, de sa compassion pour la communauté et également de sa pédagogie, rahimahullah. Il a dit, si une personne arrive et trouve l'imam en position d'inclinaison, elle doit prononcer le premier takbir, takbirat al-ihram, en étant bien debout, puis s'incliner. Ensuite se présente forcément un des trois cas suivants. Donc si la personne elle arrive, alors que l'imam, il est incliné, elle doit rentrer dans sa prière par takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar, en étant bien debout. Ensuite, elle s'incline. Ensuite se présente forcément un des trois cas suivants. Le premier, la personne est sûre de s'être inclinée avec l'imam avant qu'il ne se redresse. C'est-à-dire avant qu'il ne se relève de l'inclinaison, al-ruku'a. Elle comptabilise ainsi la raka'a et n'aura pas à lire la surat al-fatiha. On avait vu, lorsqu'on avait étudié ensemble, les leçons importantes adressées à l'ensemble de la communauté, écrites par le shir Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, on avait vu que on distinguera le fait que l'unité de prière a été attrapée par celui qui prie, on peut dire ça comme ça, à partir où, et de le distinguer donc du moment où elle n'a pas été attrapée, à partir du moment où le prieur a pu prononcer la formule d'évocation obligatoire à ce stade de la prière, à savoir le fait de dire pendant l'inclinaison, Subhana Rabbi al-Azim, au moins une fois, alors que l'imam est toujours incliné. Si tu veux savoir, est-ce que tu as, entre guillemets, attrapé l'unité de prière avec l'imam, alors que toi tu es arrivé et que lui il était déjà incliné, eh bien, regarde, est-ce que tu as eu le temps de dire au moins une fois, Subhana Rabbi al-Azim, alors que l'imam était toujours incliné. Si c'est le cas, tu as eu la prière, tu as eu l'unité de prière avec lui. Si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas le cas. Naam. Ça nous amène justement au deuxième cas de figure. La personne est sûre de ne pas s'être inclinée avec l'imam. Dans ce cas, elle ne comptabilise pas cette raka'a, c'est-à-dire cette unité de prière. Et elle sera donc redevable de cette unité de prière une fois que l'imam aura salué les salutations finales. Troisième cas de figure, la personne doute entre le fait qu'elle se soit inclinée avec l'imam et qu'elle puisse ainsi comptabiliser la raka'a et le fait que l'imam se soit relevé avant qu'elle ne s'incline et donc qu'elle ne puisse pas comptabiliser la raka'a. Donc elle est dans un doute concernant cela. Eh bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en application ce qu'on a vu précédemment. Naam, tu dois rechercher à faire prévaloir une des deux situations sur l'autre. Et si jamais tu n'y arrives pas, tu vas te baser sur la certitude. La certitude, elle correspond à quoi, Anas? On a dit que la certitude ici, ça visait quoi? La certitude, c'est le minimum. La certitude ici, c'est le minimum. Donc le shir de dire, si la personne tend vers une situation plus que l'autre, elle doit alors se baser dessus, terminer sa prière, saluer, effectuer les prosternations de la distraction et saluer de nouveau. Donc dans ce cas-là, les prosternations de la distraction auront lieu avant ou après les salutations finales? Après. Avant ou là après? Après. Il va saluer, salutation finale. Ensuite, il va se prosterner et ensuite, il va saluer à nouveau. Naam. Pourquoi? Parce que là, il aura fait prévaloir une situation sur l'autre. Cependant, s'il n'a rien manqué de la prière, elle n'aura pas effectué les prosternations de la distraction. Naam. Si elle ne tend pas vers une situation plus qu'une autre, elle doit se baser sur quoi? Rachid, elle doit se baser sur quoi? Si jamais la personne, elle fait prévaloir aucune des deux situations, elle doute et elle n'arrive pas à faire prévaloir une des deux situations, elle se base sur quoi? Sur? Sur la certitude. Et la certitude, ça correspond au minimum. Barakallahu fik. Ensuite, elle termine sa prière, accomplit les prosternations de la distraction, avant ou après? Avant. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle s'est basée sur la certitude, qu'elle n'a pas réussi à faire prévaloir une situation sur l'autre, et qu'ainsi elle s'est basée sur le minimum. Donc elle va se prosterner avant les salutations, puis saluer normalement. Naam. Tu l'avais lu la remarque ou pas? Non. Non, t'as dit. Remarque. Si une personne doute dans sa prière, elle se base sur la certitude ou sur la situation qu'elle fait prévaloir, selon les règles précédemment citées. Si elle s'aperçoit que son acte coïncide avec la réalité et qu'elle n'a ni ajouté ni diminué dans sa prière, elle n'a pas à effectuer les prosternations de la distraction selon l'avis connu dans le rite Hanbalit, dans ce qui entraîne les prosternations, car ce qui entraîne les prosternations, c'est-à-dire le doute, a disparu. D'autres disent que la personne doit quand même faire les prosternations de la distraction, d'une part, pour humilier le diable, selon le hadith du prophète alayhi salam, et s'il a prié 4 raka'at, elles seront une humiliation pour le diable. Et d'autre part, car elle a effectué une partie de sa prière en doutant. Ce dernier avis est le plus juste. Exemple, une personne prie et doute sur une raka'a, à savoir si c'est la seconde ou la troisième. Elle ne penche vers aucune de ces deux situations. Elle doit donc considérer cette raka'a comme étant la seconde et continuer sa prière. Par la suite, elle s'aperçoit que c'était vraiment la seconde raka'a. Dans ce cas, elle ne doit pas effectuer les prosternations de la distraction selon l'avis connu du rite Hanbalit. Et elle doit les effectuer avant la salutation finale selon le deuxième avis qui est pour moi le plus juste. Barakallahu fik. Donc ici le shir, il apporte une remarque. C'est-à-dire un autre cas de figure. La personne en est passée d'un état de doute, naam, à un état où elle ne doute plus. Donc le doute est survenu, puis il a disparu. Comment doit-elle agir? Deux avis ont été mentionnés par le shir ici. L'avis qui est conforme au rite Hanbalit, naam, sachant que le shir, rahimahullah ta'ala, était Hanbalit. Donc il a dit, si une personne doute dans sa prière, elle se base sur la certitude ou sur la situation qu'elle fait prévaloir, étant donné qu'on a deux cas de figure comme on l'a vu. pour la personne qui est dans le doute. Soit elle arrive à faire prévaloir une de deux situations, soit elle n'y arrive pas, et on a vu comment elle devait agir dans chacun des deux cas de figure qui vient d'être mentionné. Donc elle va agir selon les règles précédemment citées. Si elle s'aperçoit que son acte coïncide avec la réalité, et qu'elle n'a ni ajouté ni diminué dans sa prière, elle n'a pas à effectuer les prosternations de la distraction selon l'avis connu dans le rite hanbalite, al-madhab. Car ce qui entraîne les prosternations, à savoir le doute, a disparu. D'autres disent, donc ici le shir, il est en train de mentionner la divergence chez les gens de science concernant ce cas de figure. D'autres disent que la personne doit quand même faire les prosternations de la distraction. D'une part, donc là il est en train d'argumenter, pour humilier le diable, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a mentionné précédemment, s'il a prié 4 rakats, elle sera une humiliation pour le diable. Et d'autre part, car elle a effectué une partie de sa prière en doutant, et ce doute qui est survenu, même s'il a disparu par la suite, eh bien, il entraîne les prosternations de la distraction. Le shir de conclure en disant ce dernier avis est le plus juste. Et ça te montre le caractère impartial du shir, rahimahullah ta'ala, qui n'hésite pas, lorsque la vérité lui apparaît être à l'inverse de ce que le rite qu'il suivait était, donc son impartialité faisait qu'il n'hésitait pas à opter, pour ce second avis. Rahimahullah ta'ala. Et ensuite, donc, il a cité un exemple qui illustre cette chose-là. Les prosternations de la distraction pour ceux qui prient derrière l'imam. Si l'imam a commis un oubli durant sa prière, ceux qui prient derrière lui doivent le suivre dans les prosternations de la distraction. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'imam a été désigné pour être suivi, ne divergez pas avec lui. Et lorsqu'il se prosterne, alors prosternez-vous. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abi Huraira. Que l'imam effectue les prosternations de la distraction avant la salutation finale ou bien après, celui qui prie derrière lui doit le suivre. Sauf dans le cas où cette personne a manqué une partie de la prière. Dans ce cas, elle ne doit pas suivre l'imam si ce dernier fait les prosternations de la distraction après la salutation finale, car elle ne peut pas saluer avec l'imam sans avoir terminé sa prière. Elle doit donc compléter sa prière, saluer, effectuer les prosternations de la distraction et de nouveau saluer. Non, ici, ils ont mis voir, même explication, page 9. Quand on retourne donc à la page 9, on retrouve cette question-là, si ce n'est que le cas traité à cette page 9 était en réalité un cas un peu plus particulier, qui est lié, Naam, mais qui est un cas un peu plus particulier, comme vous pouvez le retrouver à la page 9 de cette traduction. Exemple. Une personne rejoint l'imam dans la dernière rak'a, alors que ce dernier doit effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale. Lorsque l'imam fait la salutation finale, cette personne doit se lever, compléter sa prière et ne doit pas, dans ce cas, suivre l'imam. Après avoir complété sa prière seulement et avoir salué, elle devra effectuer les prosternations de la distraction, puis saluer de nouveau. Naam, ici donc le shir, rahimahullah ta'ala, aborde les prosternations de la distraction pour ceux qui prient derrière l'imam. On a vu à plusieurs reprises que celui qui prie, il est soit imam, celui qui dirige la prière, soit il est ma'moum, c'est-à-dire il prie derrière l'imam, soit il est masbouk. Masbouk dans le sens où il prie derrière l'imam, mais en tant que retardataire. Naam, il a raté une ou plusieurs unités de prière. Donc on a vu, et également il peut prier tout seul. Possible qu'il prie tout seul. Soit il est imam, soit il est ma'moum. Et à ce moment-là, il sera soit ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, qui aura prié avec l'imam la prière depuis le début, soit il sera masbouk, retardataire. Naam. Donc ce deuxième cas de figure se divise en deux. Et le troisième, c'est celui qui prie tout seul. Pour l'imam et celui qui prie tout seul, donc, on a vu comment il devait agir. Quant à celui donc qui prie derrière l'imam, le shir a dit, si l'imam a commis un oubli durant sa prière, ceux qui prient derrière lui doivent le suivre dans les prosternations de la distraction. Et il a fait mention donc du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam a été désigné pour être suivi. Ne divergez donc pas avec lui. Lorsqu'il se prosterne, alors prosternez-vous. Le shir de continuer en disant que l'imam effectue les prosternations de la distraction avant la salutation finale ou bien après, celui qui prie derrière lui doit le suivre. Mais il y a toujours donc l'exception. Cette exception-là, c'est le retardataire. En effet, le shir a dit, sauf dans le cas où cette personne a manqué une partie de la prière. Et là donc, il va y avoir deux cas de figure. Soit l'imam a omis quelque chose dans sa prière et il doit donc se prosterner avant la salutation finale, soit il doit se prosterner après. S'il doit se prosterner avant, eh bien, celui qui prie derrière lui, qui était retardataire, il va se prosterner avec lui. Si par contre, l'imam est amené à se prosterner après la salutation finale, alors le retardataire ne devra pas se prosterner avec lui, mais devra plutôt compléter sa prière et faire ses prosternations de la distraction à la fin. Pourquoi ? Le shir de dire, car elle ne peut pas saluer avec l'imam sans avoir terminé sa prière. Elle doit donc compléter sa prière, saluer, effectuer les prosternations de la distraction et de nouveau saluer. Puis le shir donc a mentionné un exemple qui illustre cela. Et il a fait suivre cela par une remarque en disant, si la personne a effectué la prière dans son intégralité derrière l'imam et commet une erreur au cours de la prière, alors elle n'a pas à faire les prosternations de la distraction. Pour deux raisons. La première est que cela aura pour conséquence qu'il cessera de suivre l'imam. La seconde raison est que les compagnons, radiallahu anhum, ont délaissé le premier tashahhud lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait oublié. En effet, par respect pour le suivi de l'imam et éviter d'être décalé, ils se sont levés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, ça on l'avait vu. On avait vu ce hadith-là. Et donc, ce que vient de dire le shir dans cette remarque est clair, alhamdoulillah, et compris de tous, incha'Allah ta'ala. Par contre, si cette personne a manqué une partie de la prière avec l'imam et commet une erreur, soit dans ce qu'elle a prié avec l'imam, soit dans la partie qu'elle a complétée seule, elle doit accomplir les prosternations de la distraction après avoir rattrapé ce qui lui manque de la prière, avant, après ou avant la salutation finale, selon les règles décrites précédemment. Exemple, si une personne prie derrière l'imam depuis le début de la prière et oublie de dire « Gloire à notre Seigneur le Très Grand »« Subhana Rabbi al-Azim » Naam, gloire à notre Seigneur le Très Grand ou pureté à notre Seigneur le Très Grand. Naam. Si elle oublie de le dire pendant l'inclinaison, elle n'a pas à effectuer les prosternations de la distraction. Par contre, si elle a manqué une raka'a ou plus, elle doit compléter sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Pourquoi elle doit le faire avant la salutation finale ? Ça manque. Naam. Parce que c'est une diminution. Naam. Autre exemple. Une personne accomplit la prière de Zohr derrière l'imam. Lorsque l'imam se lève pour la quatrième raka'a, cette personne s'assied en croyant que c'est la dernière raka'a. Ensuite, après s'être rendu compte que l'imam s'était levé, elle s'est levée aussi. Si elle n'a rien perdu de la prière, elle n'a pas à accomplir les prosternations de la distraction. Par contre, si cette personne a manqué une raka'a ou plus, elle doit alors compléter sa prière, saluer, effectuer les prosternations de la distraction et de nouveau saluer. Donc ici, les prosternations de la distraction, elles ont lieu quand ? Avant ou après les salutations finales ? Après, pourquoi ? Car elles font suite à un ajout. En effet, elle a ajouté une position assise à sa prière pendant que l'imam se levait pour accomplir la quatrième raka'a. Naam. Donc maintenant le shir, il va aborder un récapitulatif très bénéfique qui va nous permettre de manière résumée de récapituler tout cela afin de bien l'assimiler. Récapitulatif. Nous avons remarqué d'après ce qui précède, que les prosternations de la distraction s'effectuent soit après la salutation finale, soit avant. Elles s'effectuent avant la salutation finale dans deux cas de figure. Le premier, lors d'une diminution. Naam, lors d'une diminution, et remarque ici qu'il n'a pas dit lors d'un oubli. Car ce dernier, c'est-à-dire l'oubli, il est plus vaste que la diminution. Et l'oubli, il peut aussi bien entraîner un ajout qu'une diminution. Naam, il n'est possible qu'une personne, elle a oublié quelque chose, et qu'à cause de son oubli, du fait qu'elle va devoir se présenter avec cette chose-là, au final, sa prière, il va y avoir un ajout dedans. Naam. Donc ici, on remarque qu'il a dit lors d'une diminution. Lors d'une diminution et non pas lors d'un oubli. Car l'oubli, c'est plus vaste. Et l'oubli, il peut entraîner une diminution ou un ajout. Naam. C'est important ici de mentionner cette chose-là. Naam. Car certaines personnes, parfois, elles oublient par exemple un pilier dans leur prière. Elle oublie un pilier. Mais du fait qu'elle a oublié son pilier, au final, elle va être obligée de rajouter quelque chose. Elle va être obligée de se présenter avec ce pilier-là. Car comme vous le savez, le pilier, à l'inverse de l'obligation, si tu l'as oublié involontairement, ta prière ne sera valide que si tu te présentes avec ce pilier-là. Donc au final, tu auras ajouté quelque chose à cause de ton oubli. Donc, on remarque ici qu'il a dit lors d'une diminution. Lors d'une diminution. Donc, le premier cas, concernant les prosternations de la distraction qui s'effectuent avant la salutation finale, c'est lors d'une diminution. Naam. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Buhayna, radiallahu anhu, qui a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a effectué les prosternations de la distraction avant la salutation finale, lorsqu'il a délaissé le premier tashahhud. Ce hadith a été cité précédemment. Naam. Le second, lors d'un doute sans que prévale aucune situation dans l'esprit de la personne. Et la preuve est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui doute dans sa prière et ne sait plus s'il a prié 3 ou bien 4 rak'at doit effectuer 2 prosternations avant la salutation. Ce hadith a également été cité précédemment. Naam, donc le second cas de figure mentionné ici, au cours duquel les prosternations de la distraction ont lieu avant la salutation finale, c'est quoi? C'est lors d'un doute sans que prévale aucune situation dans l'esprit de la personne. Et nous avions vu que la personne doit se baser sur la certitude. Et on avait vu que la certitude, ça correspond à quoi, Hicham? Le minimum. Naam. Lorsque cela survient, naam, la personne va se baser sur la certitude, qui correspond donc au minimum, et ensuite elle va être amenée à faire les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Donc on a deux cas de figure pour les prosternations de la distraction qui ont lieu avant la salutation finale. Lors d'une diminution et lors d'un doute, sans que prévale aucune situation dans l'esprit de la personne. Les prosternations de la distraction s'effectuent après la salutation finale dans deux cas de figure. Le premier, lors d'un ajout. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de Zohr en 5 rak'at. Une fois la prière terminée, les compagnons lui ont fait la remarque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit alors 2 prosternations, puis salua. Et ne leur a pas expliqué qu'il a effectué les prosternations après la salutation finale, simplement parce qu'il en a été informé après. Cela prouve que le jugement est général, et que lors d'un ajout, les prosternations de la distraction se font systématiquement après la salutation. Que la personne se rende compte de l'ajout avant ou après la salutation finale. Exemple, une personne, par oubli, salue avant l'accomplissement complet de la prière, puis se rend compte de son erreur et complète sa prière. Il a ajouté donc une salutation dans sa prière et doit effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale. La preuve est le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam salua lors de la prière de Zohr ou du Asr au bout de 2 rak'at. Les compagnons lui firent la remarque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière et effectua les prosternations de la distraction après la salutation finale. Ce hadith a été cité précédemment. Naam, donc ici, les prosternations de la distraction s'effectuent après la salutation finale dans deux cas de figure. Lors d'un ajout, comme nous le trouvons dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de dhuhr en 5 raka'at. Une fois la prière terminée, les compagnons lui ont fait la remarque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit alors deux prosternations, puis salua. Puis le shir de répondre à une objection qui pourrait être formulée. Et ce en disant, il ne leur a pas expliqué qu'il a effectué les prosternations après la salutation finale, simplement parce qu'il en a été informé après. Car une personne pourrait dire, au final, il ne pouvait pas faire autrement. Car il a été informé qu'après avoir terminé sa prière, qu'il avait effectuée en 5 unités de prière. Donc le shir, il a dit, il ne leur a pas expliqué qu'il a effectué les prosternations après la salutation finale, simplement parce qu'il en a été informé après. Cela prouve que le jugement est général, et que lors d'un ajout, les prosternations de la distraction se font systématiquement après la salutation, que la personne se rende compte de l'ajout avant ou après la salutation finale. Et étant donné que cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté général et n'a pas été restreint par la parole, eh bien il convient de le laisser général et ainsi donc de se prosterner après les salutations finales lors d'un ajout. Et ensuite donc le shir d'illustrer cela par un exemple, comme il a l'habitude de le faire dans ce livre et dans d'autres livres. Jazakallahu khayra. Le second. Concernant l'ajout, ce qui est pris en compte ici, c'est l'aspect final de la prière, comme on l'a dit précédemment. C'est l'aspect final de la prière, car il est possible qu'un ajout soit dû à la base à un oubli, comme dans l'exemple mentionné ici. Naam. Il est possible que l'ajout soit dû à un oubli. Naam, ce qui sera pris en compte, donc c'est l'aspect final de la prière. Si, dans l'aspect final de la prière, on se rend compte qu'il y a eu un ajout, alors à ce moment-là, la prosternation de la distraction aura lieu après les salutations finales. Naam. Le second, l'heure d'un doute qui laisse prévaloir une situation par rapport à l'autre dans l'esprit de la personne. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a douté dans sa prière de s'efforcer de rechercher la vérité, de terminer sa prière, puis d'effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale. Ce hadith a également été cité précédemment. Naam, donc le second cas de figure, concernant les prosternations de la distraction qui doivent être effectuées après la salutation finale, c'est lors d'un doute qui laisse prévaloir une situation par rapport à l'autre, dans l'esprit de la personne. Qui c'est qui peut nous rappeler, à ce moment-là, comment doit agir la personne pendant sa prière, lorsqu'un doute survient, qui laisse prévaloir une situation par rapport à l'autre? Fouad. Il doit prendre la certitude, il doit prendre le minimum pour la personne qui... Pas la personne qui ne sait pas, elle n'arrive pas à faire prévaloir. Cette personne-là, donc, Naam, elle fait prévaloir une situation sur l'autre. Donc elle va se baser sur quoi? Mohamed. Sur la situation qui prévaut dans son esprit. Naam. Donc ça sera pendant sa prière. Ensuite, concernant les prosternations de la distraction, elles auront lieu après les salutations finales. Et le shir donc a répété ici la preuve qui appuie cela. Jazakallahu khayra. Et le shir donc de continuer avec une remarque très importante et utile, en disant, si deux distractions surviennent pendant la prière, et que l'une doit être corrigée par deux prosternations avant la salutation finale, et l'autre par deux prosternations après, les savants disent que le prieur doit effectuer uniquement les deux prosternations avant la salutation, car elles prennent le dessus sur les prosternations après la salutation. Exemple, Une personne qui effectue la prière de Zohr se lève pour la troisième raka'a sans effectuer le premier tashahhud. Puis, elle s'assoit dans la troisième raka'a, croyant que c'est la seconde. Ensuite, elle se rend compte que c'est en fait la troisième. Elle doit alors se lever, terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Cette personne a délaissé le premier tashahhud, ceci doit être corrigé par deux prosternations avant la salutation finale, et elle a aussi ajouté la position assise lors de la troisième raka'a, ce qui doit être corrigé par deux prosternations après la salutation finale. Mais les deux prosternations avant la salutation finale l'emportent. Allah est le plus savant. Conclusion, je demande à Allah de nous aider tous à comprendre son livre, le Coran, et la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à les appliquer dans nos actes et notre cœur, c'est-à-dire dans notre croyance, nos actes d'adoration et notre comportement. Je demande également à Allah qu'il nous accorde à tous la meilleure fin. Il, Azza wa Jal, est généreux et clément. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a terminé avec une remarque très importante dans laquelle il a abordé une question très utile. Il a dit, si deux distractions surviennent pendant la prière et que l'une doit être corrigée par deux prosternations avant la salutation finale, ensuite il va donner un exemple, et l'autre par deux prosternations après, les savants, donc c'est-à-dire les ulama, c'est-à-dire les savants de la religion, na'am, disent que le prieur doit effectuer uniquement les deux prosternations avant la salutation, car elles prennent le dessus, c'est-à-dire elles prévalent sur les prosternations qui sont après. Exemple, une personne qui effectue la prière de Dhuhr, donc en quatre unités de prière, se lève pour la troisième raka'a, c'est-à-dire la troisième unité de prière, sans effectuer le premier tashahhud. Le premier tashahhud qui a lieu à la fin de la deuxième raka'a, de la deuxième unité de prière. Puis elle s'assied dans la troisième raka'a, troisième unité de prière, croyant que c'est la seconde. Ensuite, elle se rend compte que c'est en fait la troisième. Elle doit alors se lever, terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Avant la salutation finale, pourquoi ? Parce que là, en vérité, il y a eu, entre guillemets, deux distractions. Une qui doit entraîner les prosternations avant et l'autre après. Cette personne a délaissé le premier tashahhud. Ceci doit être corrigé par deux prosternations avant la salutation finale. Pourquoi ? Pourquoi elle doit être avant ? Pourquoi elle doit être avant ? À la base ? Parce que c'est une diminution. Elle a aussi ajouté la position assise lors de la troisième raka'a. Ce qui doit être corrigé par deux prosternations après la salutation finale. Pourquoi elle doit être après la salutation finale ? Car c'est un ajout. Donc ici, tu as une diminution et un ajout. Donc, tu es censé te prosterner, faire les prosternations de la distraction avant les salutations finales, mais également après. Donc, comme l'a expliqué le Shir, c'est avant qui prévaut. Donc, les salutations, ou les prosternations, excusez-moi, vont être effectuées quand ? Avant les salutations finales. Mais les deux prosternations avant la salutation finale l'emportent. Allah est le plus savant. La conclusion, le shir, jazakallahu khayra, de dire, je demande à Allah de nous aider tous à comprendre son livre, le Coran et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à les appliquer dans nos actes et notre cœur, c'est-à-dire dans notre croyance, nos actes d'adoration et notre comportement. Je demande également à Allah qu'il nous accorde à tous la meilleure fin. Il, Azza wa Jal, est généreux et clément. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Donc achevé le 4 de Rabi' al-Awwal de l'an 1400 de l'Hégire par le noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il le récompense et le rétribue en bien pour les nombreux services qu'il a présentés à la communauté, et également qu'il rétribue en bien le frère qui a traduit ce livret du Shir, Jazahullahu Khaira, et également ceux qui ont contribué à l'éditer et à le diffuser. On s'en tiendra à ça. Allahu A'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.